Je peux dépasser le camion si je roule à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 110 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D.